Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Hellbanger de reprise. Après un petit break pour les fêtes de fin d'année, nous voilà de retour en ce dimanche 2 janvier pour la première émission de l'année 2022. On espère que tout le monde va bien et que vous êtes toujours bien au rendez-vous. Nous, on va tâcher de l'être encore un petit peu plus cette année avec, ma foi, de nouveaux projets qui vont se mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Pour l'émission, donc on vous en reparlera très très prochainement via les réseaux et les différentes émissions. Une première émission pour attaquer l'année en différé, on garde toujours ce rythme hein, d'émissions ponctuellement en direct et le reste en différé, parce que la vie tout simplement. Et ma foi, pour cette première émission de l'année, on va pas trop envoyer de nouveautés, on a 4 groupes seulement. Le reste, c'est surtout de la fin de diffusion de l'année 2021, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de très très bonnes choses pour clôturer l'année 2021. Donc voilà, histoire de finir de se faire une diff plutôt clean. Et puis, deuxième quinzaine de janvier, on va pouvoir attaquer avec toutes les nouveautés qui vont bien. Place à la musique maintenant avec la première doublette pour ce soir. Tout d'abord, Unanimated, qu'on a déjà pas mal présenté, un groupe de Black Death Mello suédois. Ils sortent là leur quatrième effort studio. 12 ans séparent cet album du précédent. Voilà, ça se rapproche forcément d'autres formations type Dissection ou encore Nécrophobique. Le nouvel effort d'Unanimated s'intitule Victory in Blood. Et en doublette, on s'écoutera la nouvelle bombe sortie par les Ricains de Pyrexia, le groupe signé chez Unique Leader Records, qui nous sort encore une fois un brûlot de slamcore, hein, le proto-slam, brutal death, bien gratiné. Gravitas Maximus, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Scepter of Vengeance, le titre de Unanimated. Apostle of the Grave, le morceau signé Pyrexia. C'est parti, et encore une fois, bienvenue dans la première émission Hellbanger de 2022. Your doublette suivante, la formation franco-québécoise E-Force, groupe de trash qui sort son nouvel effort studio Mindbender. E-Force s'est sorti de la cuisse de Voivode, puisque c'est tout simplement le bassiste chanteur de Voivode qui, une fois installé en France, a lancé son propre projet. Ils sont en doublette avec The Night Eternal, ce très très très bon groupe de... c'est pas dit revival, c'est de grosse inspiration heavy anglais mid-80. Ça nous vient d'Allemagne avec un chanteur, ma foi, assez rock. Et le cocktail est vraiment très très bon pour The Night Eternal, qui a d'ailleurs bénéficié d'un chouette focus en fin d'année dernière. Moonlit Cross, c'est le nom de ce nouvel effort studio déjà dispo chez Van Records. Deranged, le titre de E-Force, The Night Eternal avec le morceau Prison of Flesh. C'est parti. Une doublette américaine, ensuite dans deux styles différents. Tout d'abord Absou, la nouvelle version de Absou, groupe de brutal black, black trash américain. Proscriptor McGoverns Absou, c'est le nom complet de ce groupe. Ça vient donc directement du patronyme du batteur vocaliste et tête pensante du projet, hein, Absou qui a splitté en 2020 après tant ans d'existence. Voilà, le gars a lancé son propre truc, c'est sensiblement proche de ce que a pu proposer Absou pendant 30 ans. Donc bon, chacun ses petits choix. Et ensuite, première nouveauté pour ce soir, Génocide Pact, le groupe de Death Ricain, qui vient de sortir son troisième album studio. Un album éponyme au passage, sorti chez Relapse Records. 8 titres pour 33 minutes, c'est direct, c'est frontal, c'est old school. On peut classer ça non loin d'un Get Creeper, et ça, c'est cette lourdeur assez proche d'un Bin Tempo rouleau compresseur à la croisée entre Bolthrower et Obituary. Voilà, Genocide Pact, ça s'écoute tout seul. Absou, Myrokrakles, extrait de leur premier et nouvel effort studio, Proscriptor McGoverns Absou, une sortie déjà dispo chez Agonia Records. Genocide Pact, donc l'album éponyme, et on s'écoutera le titre Led to Extinction. C'est parti. Yeah. Une non-doublette ensuite, Funeral, le groupe initialement de Funeral Doom qui nous vient de Norvège, qui évolue maintenant vers quelque chose de plus gothique doom. On est donc loin du début de carrière musicale de ce que pouvait nous proposer Funeral. Le titre de ce soir s'intitule Of Mod et il est extrait de leur nouvel effort studio Presentialis in Aeternum, sorti donc en fin d'année dernière chez Season of Mist. C'est parti. Thank you. Après du funéral, et ben encore du funéral, mais cette fois Funeral Mist, le groupe de Black qui nous vient de Suède, toujours mené par Mortus, le dernier vocaliste en date de Marduk. Quasiment un one-man band, hein, puisque ben en fait Mortus fait absolument tout dans Funeral Mist, hormis la batterie. Et pour le coup, c'est Lars Brodesson, qui bien sûr a été conneur dans Marduk entre 2006 et 2013, qui vient prendre la place derrière les fûts. Funeral Mist, pour retracer un peu le truc, c'est du black orthodoxe avec 2-3 samples de chœurs religieux, toujours une ambiance bien malsaine, bien crado. Le morceau fait 4 minutes, il n'est pas représentatif de l'album, puisque la plupart des titres font entre 7 et 9 minutes, des compos donc très très riches et bien élaborés, et c'est pas aussi frontal que le titre que l'on s'écoute ce soir, donc on prendra le temps de se le détailler au fil des semaines, ce nouvel effort de Funeral Mist. Deiform, il est donc déjà disponible. Et ensuite, Me and That Man, le projet Nargal and Friends, Newman New Song Same Shit Volume 2, troisième effort du coup du projet parallèle de Nargal, une sortie Napalm Records. Et ce soir, on s'écoutera le titre Goodbye, sur lequel il a invité Alyssa Whiteglues, la nouvelle vocaliste de Arkademy, et surtout Monsieur Devin Thompson. Et juste avant Me and That Man, Apocalypticon, le titre de Funeral Mist. C'est parti. Fire! Eh bien, ma foi, on est autour de 45 minutes d'émission déjà dans cette émission de rentrée pour Hellbanger, première émission de l'année 2022. Et on va attaquer l'aspect française avec une doublette d'inspiration black, avec tout d'abord Otargos, la formation bordelaise, qui nous sort son nouvel album, Fleshbourer Soulflayer. Cet album a bénéficié d'un focus en fin d'année dernière, dispensé par Thibaut. On est toujours sur un black death ultra vénère, très martial et autoritaire. Xenocorp, c'est toujours leur écurie venue du Nord. On s'écoutera le titre éponyme de l'album. Et en doublette, la formation francilienne Cavalry, nouvelle EP, It Remains, une sortie cette fois sur le label Deliverance Records. Cavalry, toujours cette espèce de black crust hurlé et ultra haineux, bien rapide. Inquisitorial Procedure, No Way Out, doublette dans la doublette pour Cavalry, c'est parti.